Chapitre troisième. Elisabeth viendra ce soir au théâtre. Didier montrait à Josiane le pneumatique qu'il venait de recevoir à l'hôtel où il était descendu avec Josiane. « Mais tu ne seras pas là. » Didier, en effet, avait disposé de sa soirée et il était convenu qu'il viendrait chercher Josiane seulement après la représentation. « Quelle importance » dit-il, répondant à l'exclamation de Josiane. « Ce sera au contraire beaucoup mieux. Toute gêne sera abolie entre vous. » Et je suis certain qu'en venant vous chercher, ce sont deux amis que j'emmènerai souper. On m'a parlé d'une petite boîte vers le vieux port où l'on sert encore des choses fort convenables jusqu'à une heure très avancée. Le nom d'un camarade marseillais nous servira d'introduction. L'après-midi se passa pour Josiane dans une attente anxieuse, une inquiétude vague qu'elle ne parvenait pas à écarter. En vain, elle avait essayé de persuader Didier de remettre son rendez-vous. Il n'avait pas pu, ou pas voulu, rester auprès d'elle pour la rencontre avec Elisabeth. Josiane de la Seine cherchait dans le trou noir de la salle quel visage pouvait être celui de la femme qui était là pour elle ce soir. Préoccupée, nerveuse, l'actrice se sentait mauvaise. Elle avait conscience de mal jouer, et malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à se reprendre. Belle opinion qu'aurait Elisabeth de la maîtresse de son mari. Harassée dès le premier acte, elle regagna sa loge où l'attendaient déjà des admirateurs nombreux. Elle dut sourire, parler, remercier, se montrer ce qu'elle devait être. L'actrice parisienne flattée de l'hommage de la province, celle qui apporte avec elle l'air de la capitale et qui ne doit pas décevoir. Elisabeth ne parut pas à cet entr'acte, pas davantage au second, et la pièce s'acheva sans que Josiane se soit montrée meilleure. En dépouillant sa robe de scène, elle eut un instant l'espoir qu'Elisabeth ne viendrait pas, que l'entrevue à la fois redoutée et attendue serait remise. Mais on frappait, on entrait sur l'invitation faite d'une voix presque étouffée. Et Josiane eut devant elle une longue jeune femme mince et souple, au visage franc et rieur, couronnée de boucles d'or, une femme qui s'avança vers elle, la main tendue, l'air décidé, sûr d'elle, Elisabeth. Charmée de vous connaître. Asseyez-vous un instant, j'achève de me démaquiller et je suis à vous. D'ailleurs, Didier ne va pas tarder. Il était pris ce soir, mais il doit venir nous chercher toutes les deux. Cependant, Elisabeth ne s'asseyait pas. Debout auprès de Josiane, qui s'était assise à nouveau devant son miroir, Elisabeth cherchait des yeux l'actrice dans la glace et elle parlait avec franchise. « Josiane, vous permettez, n'est-ce pas, que je vous appelle Josiane? Je voudrais que tout soit net entre nous. Sans le vouloir, j'ai dû vous causer une peine immense. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que si j'avais connu votre existence, je n'aurais pas accepté le sacrifice de Didier, ce dernier chevalier du siècle. Puisque le mal est fait, laissez-moi vous dire que c'est vous qui l'aime, que vous seul comptez pour lui. Je déplore tout le mal que j'ai pu vous causer, Josiane, mais patientez jusqu'à la fin des hostilités. Tout peut-être pourra s'arranger alors. Soyons amis, voulez-vous ? » Josiane ne pouvait pas repousser sans se montrer grossière et franchement malveillante une offre aussi sincère. Elle sembla céder et répondit « Soyons amis. » Croyant Josiane définitivement conquise, Elisabeth reprenait en riant. « Savez-vous que Didier m'a refusé tout net d'interrompre notre correspondance? J'avais décidé de ne plus écrire, mais j'ai reçu une lettre si impérative, si pleine de menaces pour notre amitié, que je me suis vue contrainte à répondre. Mais il sait que je suis très paresseuse pour prendre la plume, et j'userai de ce prétexte pour espacer mes lettres le plus possible. » Josiane resta muette. Ainsi donc, Elisabeth faisait la généreuse par-dessus le marché. Elle joue à celle qui veut s'effacer, se faire oublier, à la victime, quoi. Comme elle détestait la visiteuse en cet instant, comme elle aurait voulu renier le pacte conclu tout à l'heure, jamais elle ne pourrait être l'amie sincère de celle qui lui avait volé Didier. Elle l'aurait bien plutôt tué avec un indicible plaisir, une froide cruauté si la chose eût été possible. Mais Didier entrait à cet instant, se méprenait sur le calme qui régnait dans l'étroite loge, plaisantait un peu lourdement. « Madame Beaulieu, mes hommages. Ma Josiane, je m'excuse d'être un peu en retard, mais vous avez eu plus de temps pour faire connaissance. Allons souper. Elisabeth, vous restez avec nous, bien entendu. » Le souper fut un supplice pour Josiane. Consciente de sa mauvaise humeur, soucieuse de la dissimuler aux yeux de Didier qui paraissait heureux, détendu, convaincue d'une entente parfaite entre ses deux compagnes, elle essayait de prendre part à la conversation loyalement. Le malaise moral de Josiane s'étendait-il à sa personne physique? Elle eut un long frisson et Didier s'aperçut de sa pâleur soudaine. « Pas souffrante ? » questionna-t-il avec sollicitude. « Pas très bien, » avoua Josiane. « J'ai dû prendre froid tantôt. » « Nous allons partir tout de suite, » déclara Didier. « À quel hôtel êtes-vous descendue, Elisabeth ? Nous allons vous y reconduire avant de rentrer, si Josiane n'est pas trop mal en point. » « Inutile. Quand je quitte mon ermitage des Martigues, je loge toujours chez mes amis Estève, que vous connaissez, ils habitent tout près d'ici. » Didier n'insista pas, et ils se quittèrent tout de suite. Josiane maintenant claquait les dents. Un étourdissement l'avait saisie en sortant du restaurant, et elle s'accrochait de tout son poids au bras de Didier, qui commençait à s'inquiéter. Un grog brûlant, de l'aspirine. L'avocat pensait que cette médication des débuts de grippe aurait raison du malaise qui avait secoué Josiane, et comme pour lui donner raison, la jeune femme s'était endormie très vite. Mais son repos fut de courte durée, et lorsqu'elle s'éveilla, elle prononçait des paroles sans suite et montrait un visage brûlé de fièvre. Lorsqu'elle revint à elle, Josiane se trouvait dans une chambre inconnue. Un visage était penché vers le sien, le visage d'Elisabeth qui sourit en voyant que les yeux de la malade avaient retrouvé un regard clair et lucide. « Où suis-je ? » demanda Josiane. « Tout simplement chez moi, au Martigues, vous me reconnaissez ?»« Oui, pourquoi suis-je chez vous ? Que s'est-il passé ? Didier ?»« Chut, ne vous agitez pas. Didier va très bien. Je vais vous expliquer. Vous nous avez fait très peur. Vous vous rappelez ce soir où nous sommes vus pour la première fois ? Vous n'étiez pas très bien. Dans la nuit, vous vous êtes agité en proie au délire, à la fièvre, et le médecin appelé par Didier a diagnostiqué une pneumonie double. Vous soignez à l'hôtel, il n'y fallait pas songer. Didier m'a fait appeler chez nos amis pour me demander l'adresse d'une bonne clinique, mais j'ai proposé de vous faire transporter ici. Je savais que vous y seriez mieux que partout ailleurs. Et nous vous avons sorti d'affaire, Didier et moi. Mais j'ai dû assez parler pour aujourd'hui. Ne vous tourmentez pas. Il vous faut maintenant reprendre des forces. Dormir le plus possible. Mangez beaucoup. Je vous laisse. Je reste dans la pièce à côté. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, frappez sur ce timbre. » Elisabeth désigna un petit gong placé sur une table basse à portée de la main de Josiane. « Merci, » dit la jeune femme. Elle referma les yeux, trop faible pour réfléchir à ce qu'Elisabeth venait de lui révéler. S'endormit d'un sommeil paisible, le premier depuis la soirée orageuse. Un murmure léger l'éveilla. On parlait dans la pièce voisine. Elle reconnut la voix d'Elisabeth. Puis une voix masculine, inconnue, celle du docteur sans nul doute. « Vous avez été merveilleuse, mademoiselle, » disait l'homme, « mais il faut vous ménager un peu, dorénavant, puisque notre malade est hors de danger. Cette nuit sans sommeil, c'est beaucoup pour une femme. Je suis solide, docteur, et je vous assure que je ne ressens pas la moindre fatigue. D'ailleurs, la joie de savoir mon ami tiré d'affaire est pour moi le meilleur des réconforts. Allons la voir. » Josiane avait refermé les yeux, ne voulant pas paraître susceptible d'avoir entendu les éloges du docteur qui lui étaient odieux. S'adressant à la femme qu'elle détestait le plus au monde, elle parut s'éveiller en sentant la main du docteur sur son poignet. « Eh bien, madame, » dit le praticien d'une voix chaude de méridionale où chantaient toutes les syllabes, « vous pouvez vous vanter de faire de jolies peurs à vos amis. » Josiane ébaucha un vague sourire. « Vous avez eu une infirmière magnifique et vous lui devez beaucoup. » « Je vous en prie, docteur, » prit Elisabeth, « c'est si naturel. »« Bien, bien, je ne parle plus de vous. Je crois d'ailleurs que mes visites seront superflues maintenant. » Le docteur prescrivit un fortifiant et quitta la chambre, accompagné par Elisabeth. Et Josiane regretta presque d'être sortie du néant, puisque dès son réveil, elle avait recommencé à souffrir. Ainsi donc, elle devait la vie à celle-là même qui lui avait volé son bonheur, et elle était, pour de longs jours encore, la prisonnière d'Elisabeth. Il lui faudrait feindre la reconnaissance, alors que son cœur était plein de haine. La jeune femme revenait avec son sourire si franc, si lumineux, apportant sur un plateau une tasse fumante pleine d'un bouillon parfumé. « Ce n'est pas encore un repas, » annonça-t-elle gaiement, « mais c'est un début. Ce soir, nous ajouterons au potage un peu de confiture, et vous me direz des nouvelles de mes tout fruits à la mode aixoise. » Tout en parlant, elle avait pris Josiane dans ses bras, l'avait, sans effort, assise à demi, et elle calait les oreilles avec des gestes rapides et sûrs. Comme une grande sœur, elle faisait boire la malade à petits coups. « C'est bon ? Très bon. je vous remercie. Je vous remercie pour tout d'ailleurs. » Fit Josiane avec effort, un effort visible qu'Elisabeth interrompit. « Nous reparlerons de cela beaucoup plus tard. Pour l'instant, je vous demande de m'obéir encore un peu et de vous laisser dorloter. Je vous importunerai le moins longtemps possible. Déjà lasse de la maison, mais vous la connaissez à peine. Attendez au moins d'en avoir fait le tour et de pouvoir saluer mon jardin. D'ailleurs, c'est Didier qui vous donnera lui-même votre exéate. Quand le verrai-je ? Ce soir même. Il a téléphoné tout à l'heure, après votre premier réveil, et j'ai eu la joie de lui apprendre qu'enfin vous aviez parlé, prononcé son nom. Inutile de vous dire sa joie. Il saura bien l'exprimer tout à l'heure. » Une longue semaine encore, Josiane resta faible au point de devoir accepter tous les menus services qu'Elisabeth prodiguait, avec une attention jamais en défaut, avec une humeur toujours égale, malgré la nervosité visible et l'humeur sombre de sa malade. Quand la convalescente fut en état de se lever, Elisabeth fit une tentative ouverte pour gagner enfin le cœur de Josiane. « Pourquoi ? » demanda-t-elle. « Pourquoi m'en voulez-vous tellement, Josiane ?» Et comme celle-ci, rougissant de se voir deviner, esquissait un geste de dénégation, la maîtresse de maison poursuivit. « Je sais que je vous ai fait beaucoup de mal. Je sais que j'ai brisé votre vie. Mais je vous assure que cette situation ne durera pas. Pourquoi vous inquiéter puisque l'avenir est à vous ? Vous n'avez rien à craindre de moi, encore moins de Didier, puisque c'est vous qui l'aime. Pourquoi lui en vouloir encore de ne pas m'avoir révélé à temps votre existence ? Pourquoi m'en vouloir encore à moi de vous avoir soigné, de vous garder jusqu'à complète guérison ? Savez-vous que c'est une aubaine pour moi, poursuivait Elisabeth, d'avoir une compagne dans cette maison trop grande, où je suis si loin de mes amis, de ce Paris que j'aime, de ces manifestations artistiques qui étaient toute ma vie ? Ne gâchez pas ces heures jolies en boudant contre votre cœur, car je sens que vous pourriez m'aimer si vous vouliez bien vous laisser aller. » Les yeux de Josiane fuyaient ceux d'Elisabeth pendant ce chaud plaidoyer, et celle qui s'appelait Madame Molieux quitta la chambre ce jour-là, sans que l'artiste eût encore consenti à se laisser apprivoiser. Dès qu'il avait su Josiane hors de danger, Didier était reparti à Paris, appelé par ses affaires. Il était revenu passer quelques jours au Martigues quelque temps après, mais la jeune femme n'avait pas encore la permission de sortir, et il n'était pas question de la ramener à Paris. Elisabeth et Didier paraissaient parfaitement à l'aise en présence de Josiane, et c'est elle-même, par son attitude inquiète, soupçonneuse, qui créait dans la maison une atmosphère de trouble, pesante, odieuse par instant. Il n'y avait rien, entre Elisabeth et Didier, absolument rien, qui pût alarmer Josiane, pas un mot, pas un geste, pas une conversation suspendue à son approche, pas de tête-à-tête suspect. La jeune femme avait beau constater l'inanité de ses soupçons, Didier se montrait toujours tendre et aimant, Elisabeth pleine de prévenance et de douceur, Josiane ne désarmait pas. Didier avait regagné Paris. L'actrice se trouvait seule à la maison pour de longues heures. Elisabeth était allée à Marseille faire quelques achats indispensables, des choses introuvables au Martigues. Dès que Josiane avait pu aller venir, Elisabeth lui avait fait les honneurs de sa maison, disant avec sa coutumière affabilité « Vous êtes ici chez vous, toutes les pièces vous sont ouvertes. » Josiane n'avait guère usé de la permission. Elle ne circulait hors de sa chambre qu'en compagnie de son hôtesse et bornait ses pas au grand living room où Elisabeth lui avait installé une chaise longue douillettement capitonnée. Pour la première fois, ce jour-là, Josiane pénétra seule dans la chambre d'Elisabeth. Que venait-elle y chercher ? Elle l'ignorait elle-même. Et elle hésita sur le seuil de la pièce, net et clair, à l'image même de celle qui l'habitait. Le secrétaire bureau béa, grand ouvert, quelques papiers épars sur la tablette rabattue. Curieuse, Josiane ouvrit l'armoire bien rangée qui lui jeta au visage une bouffée de lavande. Elle tira l'un après l'autre les tiroirs d'une commode ventrue, visiblement réservée au linge personnel d'Elisabeth. Elle vint enfin au secrétaire dont elle visita successivement tous les compartiments. Rien d'intéressant pour elle. Des papiers d'affaires, des livres de comptes, des dossiers d'exposition de peinture. Pas de lettre d'amour nouée d'un ruban bleu de ciel, pas de journal intime, où peut-être Elisabeth eût livré son secret. Ni les lettres ni le journal n'étaient le fait de cette fille équilibrée qui ne s'embarrassait ni de souvenirs d'amour ni d'introspection. Et Josiane, vaguement déçue, avait quitté la chambre lorsque son regard se posa sur une enveloppe portant l'aigle allemand et adressée à Mademoiselle Dietrich. D'une main qui tremblait, elle sortit la lettre et puis, cessant d'hésiter, elle lut. La missive émanait du commandant Dietrich, chef de la Gestapo de Marseille. Le père d'Elisabeth, qui écrivait sa fille dans un français fort correct, des nouvelles alarmantes. « En épousant un français en temps de guerre, écrivait-il, tu as commis une faute grave contre les lois de ton pays. Je peux te donner le moyen d'échapper au camp de concentration, le seul par lequel je puisse t'aider. Car autrement, il n'est pas en mon pouvoir de t'éviter l'internement. Tu dois reprendre la nationalité allemande perdue par ton mariage. Puisque tu refuses de me recevoir chez toi, viens me voir au bureau de la Gestapo lundi à 3 heures. Je t'expliquerai les formalités à remplir. Je regrette vivement d'avoir manqué ta visite à 2 reprises, mais j'ai beaucoup à faire ici et je suis rarement à mon bureau. » Josiane tressaillit. Lundi, c'était aujourd'hui. Elisabeth avait prétexté des courses pour se rendre à Marseille au rendez-vous fixé. C'est là aussi qu'elle avait dû aller la semaine passée, lorsqu'elle avait laissé Josiane seule le mardi et le vendredi après-midi. La courageuse fille devait être pleine d'inquiétude, mais elle n'en avait rien laissé paraître. Elle n'avait même pas dû en parler à Didier lors de son récent voyage. Mais l'admiration ne pouvait trouver place dans le cœur de Josiane, plus que jamais gonflée de haine. Une lueur mauvaise s'était allumée dans son regard, tandis qu'elle relisait attentivement les termes de la lettre, gravant les dates dans son esprit. Une idée lui était venue. Elle savait comment assouvir sa vengeance. Très vite, alors elle fut à nouveau alerte et solide, et Didier, revenant la chercher, s'émerveilla des progrès accomplis depuis son dernier voyage. Josiane n'eut pas de peine à faire des adieux corrects, presque affectueux. Elle savait qu'elle emmenait Didier pour toujours et que désormais, il lui appartenait à elle seule. Elle avait retrouvé le bonheur, la joie de vivre sans contrainte. Et cependant, Didier n'était plus tout à fait le même. Après le renouveau de tendresse du retour, il semblait devenir peu à peu plus distant, moins empressé. Prétextant le développement de ses affaires, il avait cessé d'habiter complètement chez Josiane et réintégré son appartement où, trop souvent, au gré de sa maîtresse, il passait les nuits. Mais la jeune femme, sûre de vaincre, n'avait pas protesté. Elle ne faisait plus de scène, ne prononçait plus que rarement le nom d'Elisabeth, menait une vie calme entre son amant et le théâtre, où elle avait repris sa place après une éclipse forcée. 1 an avait passé depuis le retour de Josiane. Paris avait vécu les heures enivrantes de la libération. Didier avait fait le coup de feu avec les résistants de son arrondissement, et ce soir, le calme revenu, il bavardait avec Josiane dans l'atelier de Montparnasse, lorsqu'un coup de sonnette les fit tressaillir. « Qui peut venir à 7 heures? Je n'attends personne. » Josiane elle-même alla ouvrir et se trouva en présence du compagnon d'évasion de Didier. « Excusez-moi, mademoiselle, de vous déranger si tard. Je viens de chez Didier. On m'a dit qu'il était ici. J'ai 2 graves nouvelles à lui apprendre. » Les nouvelles étaient graves, en effet. Elisabeth avait été assassinée par des maquisards. « Mais c'est impossible, mon vieux !» protestait Didier, qui ne voulait pas croire à l'horrible chose. « Elisabeth faisait partie d'un groupement de résistance dans la région. » Je sais qu'elle a même fait du parachutage. Je le sais comme toi, mais il n'empêche qu'Elisabeth a été exécutée en mai. C'est dans sa propre maison qu'elle a été tuée et nos amis et Steve ont vu son corps affreusement mutilé. Aucun doute, hélas, n'est possible. Des larmes coulaient des yeux de Didier, des larmes d'homme, silencieuses, lourdes, lentes. Il les essuya d'un geste rageur et soudain, décidé, il déclara. Je vais partir là-bas. Il faut faire rendre justice à Elisabeth. C'était une vraie Française. Tu es là, toi qu'elle a fait évader avec moi, pour en témoigner, comme en témoignèrent les 13 autres officiers qu'elle a fait sortir de notre flag, de la même façon que nous. Elle appartenait à la résistance, elle a servi de boîte aux lettres, et je suis sûr qu'elle aurait combattu avec les hommes si on l'avait laissée vivre. Il y a là un affreux malentendu qu'il faut éclaircir. C'est le dernier de mes devoirs envers la mémoire d'Elisabeth. Je l'accomplirai. Josiane n'avait pas lu. Elle n'avait pas voulu cela. Seulement se débarrasser d'Elisabeth par l'internement, la déportation peut-être. Et Elisabeth était morte. La joie de Josiane était ternie déjà par un remords. Didier resta absent plus de 6 semaines et Josiane, sans nouvelle aucune, commençait à s'impatienter. Elle savait bien que les communications ferroviaires étaient difficiles et que les démarches projetées par Didier demanderaient peut-être un certain temps. Mais tout de même, il ne semblait guère pressé de rentrer. et ce fut un homme changé du tout au tout qui revint, qui téléphona d'abord pour aviser Josiane de son retour au lieu d'accourir dans ses bras, et qui laissa passer toute une nuit, puis tout un jour, avant de venir chez sa maîtresse. Son baiser fut distrait, alors que Josiane était toute tendresse, tout amour. Il dénoua l'étreinte d'un geste impatient. « Il faut que je te parle, » dit-il gravement. « Mais qu'y a-t-il? Tu m'en folles? Que se passe-t-il depuis ton retour? Je vais me marier. »« Ce n'est pas vrai !» Josiane avait jeté ce cri, incapable de croire à cette nouvelle jetée si froidement, si durement. « Et pourquoi pas ?»« J'ai connu pendant mon voyage à Marseille une jeune fille qui répond en tout point à mon idéal. Nous nous sommes fiancés. Notre aventure est terminée. D'ailleurs, je ne t'avais rien promis. »« Mais va-t'en donc !» Les yeux de Josiane étaient chargés d'une telle fureur que Didier recula, stupéfait. Il s'attendait à des pleurs, à des supplications, pas à ce cri de démente. « Va-t'en !» Josiane marchait sur lui, les poings fermés. Il partit sans comprendre. Il ne devait jamais comprendre, car Josiane avait déchiré la lettre qu'elle lui avait écrite, la lettre où elle s'accusait. « J'ai tué Elisabeth pour rien », avait écrit l'actrice, « car c'est à cause de moi qu'elle est morte. J'ai trouvé chez elle une lettre de son père, le commandant Dietrich, chef de la Gestapo de Marseille, une lettre où il lui fixait rendez-vous. Et j'ai dénoncé Elisabeth Dietrich. Bien entendu, je n'ai pas parlé de Madame Aulieu, comme faisant partie de la Gestapo, indiquant le lieu et l'heure de son rendez-vous, ajoutant deux autres rendez-vous dont j'avais connaissance, car je savais qu'elle était allée voir son père à deux reprises, sans le rencontrer. J'ai tué celle qui était ma sauvegarde, celle qui pouvait t'attacher à moi. Le destin ne désarme jamais. Il avait décrété que tu ne m'appartiendrais pas. Ma punition est venue. Je traîne derrière moi ce pauvre cadavre dont je reconnais trop tard la grandeur. Toute ma vie, ma misérable vie, j'aurai devant les yeux le visage d'Elisabeth. Mais pas pour longtemps, j'espère. Pendant que tu liras ces lignes, je serai en train de signer mon engagement pour l'armée. J'abandonne tout. Je demande à partir immédiatement sur le front comme conductrice d'ambulance et j'espère que la mort me prendra bientôt. J'ai privé mon pays d'une femme comme Elisabeth. Je suis une criminelle. Que mon pays prenne ma vie maintenant et toi, Didier, puisses-tu me pardonner de t'avoir trop aimé. Adieu pour toujours. Josiane. Jamais plus Didier n'entendit parler de Josiane. Ainsi s'achève « Le destin ne désarme jamais » par Nicole Morand.